C'est fou. 89. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. Maxime Lemieux-Aramé vient nous parler de ses découvertes musicales les plus récentes. On reçoit Jimmy qui vient de parler de la maladie de Crohn. À assemblage requis, ça se passe entre vos deux oreilles à côté du casque. Salut Pépé! Salut Mathieu! Pépé a mal aux hanches aujourd'hui. Pépère a très très mal aux hanches aujourd'hui. Pauvre, ça va pas bien, qu'est-ce que tu t'es fait? Hey, j'ai joué au hockey et puis je suis tombé sur la hanche gauche et puis je pense sincèrement que c'est même un peu enflé. Ah! Mais bon, ça m'atteint que en fait ça se fait sentir. Ouais, c'est parce ça. Hier, ça allait bien. Ça allait bien, ça a un délai. Hier soir, oui, tout à fait. Ça s'appelle le repos. Et voilà. Bon, bonjour, bienvenue à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de ces fois Trois-Rivières en ce mercredi 12 janvier 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi et François-Olivier. Pépé. Moi, tu. Pépé. Alias Pépé. Ou grand-père. Grand-père. Ah, t'as mieux grand-père. Papy. Papy. Papy Faux. Papy Marchand. Papy Marchand. Oui. D'accord. Non, appelle-moi Pépère. Pépère, c'est mieux. Mais juste pour aujourd'hui. Sans ton béret, là, puis tout ça. Puis moi, quand j'avais des anges, là, à ton âge. je devrais pas rire dessus. C'est dommage pour toi. Hey Matt, grosse journée aujourd'hui? Oui, extrêmement grosse journée. On a beaucoup d'invités pour vous, pour faire changement par rapport à hier, hein, pour ceux qui étaient là. Aujourd'hui, on a Maxime Lemieux-Aramé à 8h avec sa chronique Télécharge quoi. Il va nous présenter, comme à toutes les semaines depuis le début de l'émission, hein, ses découvertes musicales du moment. Exactement. On reçoit aussi M. Nicolas Ducharme qui va nous parler d'une partie d'hockey, je pense, qui se déroule ce soir, des Patriots. Oui, apparemment qu'il y a des bâtons et des rondelles et tout, et tout, et tout. Parfait. Et des joueurs. Là-dedans, deux équipes. On y demandera. On y demandera, juste pour être sûr. Il y a Kiwan avec sa chronique Kiwan en cavale, en direct de l'Alberta. C'est sa première chronique de l'année, lui aussi. On est heureux de le revoir. Oui, oui, oui. Puis la dernière fois qu'on avait parlé à Kiwan, je pense qu'il nous avait dit qu'il y avait un scoop pour nous. Oui. Qui nous annoncerait ça en janvier. En 2011. En 2011. Fait que je sais pas si, en fait, ça se peut que ça soit aujourd'hui. Kiwan est toujours un homme de surprise, donc on sait jamais. Exactement. Et on reçoit aussi Jimmy qui vient nous parler de la maladie de Crohn. Jimmy. Donc on va savoir, en fait, qu'est-ce que c'est. Ça s'attaque à quoi? Est-ce que c'est guérissable? Et puis... Ça m'intrigue. J'entends beaucoup de choses. Peut-être que vous, à la maison aussi, avez entendu beaucoup de choses sur la maladie de Crohn. Qui ça touche, en fait? Bref, on va lui poser des questions. C'est ce que l'on va faire. Ça va durer à environ une dizaine de minutes. D'accord, ce sera tantôt dans l'émission. Mais pour l'instant, il y a plein d'autres affaires aussi. Il n'y a pas juste ça, il y a d'autres affaires. Chronique du contenu, toi, en veux-tu, en v'là. On commence l'émission avec une très bonne pièce qu'on adore, Hold It Fang. Voici, le groupe, c'est Hold It Fang. La pièce, c'est Laughing et ça se passe au 89.1 FM. Et pas d'autres mauvais jeux de mots sur le crâne, hein, parce que c'est bonne pas de même si ça s'écrit, ça se prononce pas pareil. C'est R-O-H-N. C'est ça. Faut se dire, à un moment donné, si tu veux faire des blagues, là, hein, force-toi un peu. T'as jamais me le dire, mais c'est ça que tu penses. Dancing on, dance with you. Two flat quarters lead me close to you. And as the days stumble by,

Radio Bazar. Avec un drop of Dream of Green Dragon, of Dream Dragon. Ça sonnerait moins Dream bien. Dream Dragon. On sait jamais avec Danny, des fois, il appelle des affaires bizarrement, mais ça, c'est vraiment Green Dragon. Bonne pièce, très bonne pièce. C'est pas le géant vert non plus. Si vous aimez ça, vous pouvez écouter d'ailleurs le Dîner de con. Oui, Dîner de con sur l'heure du midi entre 11h et 13h. Et procurez-vous son dernier album, Wells Vagina, sur biobazar.bandcamp.com. biobazar.bandcamp.com. L'album Wells Vagina de Bio Bazar. Voilà. Vous êtes à Assemblage requis sur C'est fou 89.1 FM. Tout à l'heure, dans quelques minutes, on va parler avec Nicolas Ducharme. Oui, il va nous parler d'une partie de hockey qui se déroule ce soir au niveau du Colisée. Apparemment que ça va se lancer, ça, ce bout de plastique-là, d'un bord à l'autre, là, d'une surface glaciale. Ah ouais? Ah ouais, ce qui paraît. Là. Y a-tu des patins là-dedans? Peut-être des points aussi. Des peut-être, points? Peut-être des points, des patins, des partisans plein de mots en paix. Des patriotes. Popcorn. Popcorn. Puck. Ouais, Puck, ok. Attends. De la poutine peut-être au stade, poutine, non? Poutine. Patin, il va y avoir du patinage là. Ouais. Des pirates? Non, pas de pirates. Il va y avoir. Des biscuits pirates peut-être. Au beurre de peanut. Des passes à palette. Passes à palette. Ok. Passe-moi à Puck. Ouais, ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Peut-être une prolongation, qui sait? Peut-être. Prolongation. des chaises pliantes peut-être, non? Je sais pas, là. Sûrement, tu peux amener ta chaise. Peut-être. Peut-être. Ouais. Peut-être. Ouais. ça va faire, ça va vraiment faire, finalement. Ça... Puis ça va se finir par un pointage. oui. Bon. Donc, du hockey tantôt avec Nicolas Ducharme de l'inconduite de partie. C'est ce qui s'en vient, mais pour l'instant, on retourne déjà en musique. On va l'entendre une bonne pièce de Atomic Baobab qui fait son entrée sur le palmarès de C'est fou cette semaine. Le palmarès qui va être diffusé jeudi entre 14h et 17h. Et François? Olivier Marchand. Mathieu Plante. Pour te rappeler, pour je crois la première fois, donc t'appeler. N'appeler? Parce que Appelle-moi, écoute, raconte-moi ça. Call me. Ah. 13h jeudi, il va y avoir la nouvelle émission C'était fou que j'anime juste avant les palmarès. Ça commence cette semaine. Ça commence demain. Demain, là, à 13h. C'était fou. C'est une émission dérivée des palmarès C'est fou, hein, c'est bon quand même. Où on vous présente une semaine en particulier. Donc, on choisit une semaine, mettons, je sais pas, la semaine du 13 mai 2004, mettons. Hein. Okay. Et puis, on vous présente des pièces des palmarès à ce moment-là. Un extrait d'une émission qui était en onde à ce moment-là aussi. Hein? Okay. C'est quand même vraiment cool pendant une heure. Très cool. C'est génial. Très cool. Puis jeudi, ça commence quelle année, mettons, quelle date? On commence, je me rappelle même pas de quelle date qu'on commence, mais il me semble que je sais qu'il y en a une qui s'en vient bientôt avec des extraits de Funky Torch dedans. OK. L'émission de David Leblanc. OK. Je pensais que tu me disais avec des extraits de l'émission de poésie. ça, j'ai, oh! C'est pas, ça a duré juste une semaine, ça va être dur à retrouver à moins de te le demander, puis je suis pas sûr que tu vas me fournir. Hey, écoute, tu peux toujours m'appeler voir si je vais répondre. On verra. Non, plein d'extraits de très très bonnes émissions dans les prochaines semaines au cours de la session d'hiver dans C'était fou. Jeudi, 13h, juste avant ça les Ça va être une bonne émission, je pense. Ça dure une heure? Oui, une heure. Parfait. Non, oui. J'ai bien hâte d'essayer ça. Donc, je dis qu'on allait entendre Atomic Baobab. Voici Call It Up sur C'est fou 89.1 FM. Just like a dog on a leash.

Jimmy Hunt avec la pièce Everything Crash. Très bonne artiste qui sera d'ailleurs au Nuit Polaire cette année. On l'attend. Oui. On l'attend avec notre fusil. Oui. Quelqu'un qu'on attend moins, par exemple? Quoi? Quelqu'un qu'on attend moins? C'est l'animateur de l'inconduite de partie. Attention. Les bains me disent ce que vous faites là. Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? L'inconduite de partie. Salut Nicolas Ducharme. Hey, bon matin, monsieur. Ça va? Bon matin, bon matin. Ça va? Ben oui, ça va toujours. Ben oui, de quoi tu nous parles aujourd'hui, Nicolas? Écoutez, monsieur, ce soir, les Patriotes hockey sont en action. Ça va se dérouler contre les Stingers de Concordia. Donc, les deux des trois équipes québécoises qui se rencontrent au Colisée ce soir, c'est à 19h30. Donc, écoutez, je vous parle de ça rapidement, là. Ce serait le fun d'avoir un peu d'étudiants se déplacer. Qui est à surveiller? Écoutez, ben, côté des Patriotes, on l'a emporté contre Queens dimanche dernier, un match à sens unique. Victoire des Patriotes 3-1, mais ça aurait pu se finir 6-1, à peu près, d'une belle domination de la part de l'équipe. Ce qui est bon à voir là, dans le retour des fêtes, que la dinde et les tourtières n'ont pas trop influencé les performances de l'équipe. C'est un risque que les jambes soient un peu rouillées. Écoute, on a ici presque 6 semaines d'inactivité du côté des Patriotes. Donc, c'est beaucoup, hein, quand même. Ben, écoute, c'est la pause du temps des fêtes qui a débuté le 3 décembre, si je me trompe pas. Donc, tu sais, c'est que les gars ont besoin de faire leurs examens. Donc, on prend une grande pause du côté de la CIS et on recommençait dimanche dernier. Donc, du côté de Concordia qui est à regarder, bon, ben, leurs deux meilleurs attaquants, c'est Charles-Antoine Messier et Alexandre Monahan, qui sont tous deux 10e et 11e meilleurs pointeurs de la Ligue. Par contre, leurs statistiques sont un peu faussées du fait qu'ils ont commencé l'année avec à peu près 9 points en 2 matchs ou 3 matchs environ. Là. On avait commencé très fort du côté de Messier et Monahan, ce qui vient, comme je dis, troubler au niveau de l'Europe. Du côté des Stingers, je dirais que les Patriots, c'est leur premier match contre les Pats cette année. Et pour les Pats, ils les rencontrent au meilleur moment, je dirais. Ils sont sur une série de 5 défaites consécutives en chute libre. Donc au classement, ils sont passés de 9 victoires, 3 défaites à 9 victoires et 8 défaites. Ce qui te mélange un classement assez vite, merci, là, comme on dit. Là. Voyez-vous, là, je vous dis les classements présentement, là, les Concordia sont au 6e rang. Par contre, si on aurait eu une progression normale, on pourrait être au 3e ou 4e rang du côté des Stingers. Donc, c'est pas une mauvaise équipe, mais c'est pas une équipe qui peut aspirer au plus grand titre de la Ligue. Là. C'est une équipe de milieu de classement du côté des Stingers. Mais écoutez, l'an passé, les Stingers aussi, c'était la même chose. Les Patriots étaient tout feu, tout flamme, ils remportaient tout. Et on avait été en perdu une niaiseuse à Concordia directement. Par, je pense, un pointage de 2-1. Donc, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le hockey. Hein. C'est toutes les équipes sont capables de gagner ou presque. Donc, c'est des choses qui peuvent se retourner. Autre problème du côté de Concordia, ben, c'est dans les buts. Le gardien Maxime Royal qui voit à peu près toute l'action possible du côté des Montréalais. Présentement, pas des très bonnes statistiques. On parle d'une moyenne d'efficacité de 860 et d'une moyenne de buts accordés par match de 4,76. C'est des chiffres qui sont très moyens et c'est, comme je dis, c'est lui qui voit la majorité de l'action. Le gardien Sheldon Berg, remplaçant, a joué 3 matchs cette année. Donc, de ce côté, c'est pas très impressionnant et c'est pas comme ça que tu vas sortir Concordia pas des bas-fonds, mais qui peut-tu vas les amener au deuxième niveau du côté des classements de la CIS, la division OS. Donc, logiquement, ça devrait être une victoire des Patriotes. Là, je m'avance pas sur un pointage, mais. Ouais, je m'attends à avoir une victoire. Ben non, je me donnerai rien, là. Mais une victoire, peut-être un 5 à 2, mettons. Oh, bon, ça donnerait rien, mais en voilà un. On l'a, là. Okay, je m'essaye. Ça veut rien dire, là. Non, non. Je m'essaye. Du côté des Patriotes, par contre, qui pourrait venir fausser les données, ben, c'est qu'il manque 2 joueurs à l'attaque. Francis Charlin n'a pas joué dimanche. Il est victime d'une infection à l'œil. Par contre, j'imagine que ce soir, il y a peut-être plus de possibilités d'enfiler le dossard orange-vert. Mais du côté d'Étienne Bellavance-Martin, il est toujours sur le rebound d'un... Il a mangé un slap shot. Il a été au camp d'équipe Canada, Universiade, et a goûté à la médecine d'une rondelle dans le visage, lancée par Francis Charlin, justement. Donc, oh, ouais. C'est un patriote qui a défait l'autre. Et Étienne Delavance a présentement la bouche brochée. Donc, c'est difficile pour lui de. C'est impossible pour lui de jouer parce qu'il a bonne chance pour respirer quand t'es pas capable d'ouvrir la bouche. Ah, oublie ça. Puis il faut que tu manges aussi, là. Ouais, ben c'est ça. Il mange pas beaucoup, là. Il est au liquide. Il est assis. Donc, il me contait ça. Il me confiait qu'il a perdu 10 livres en 2 semaines à peu près. Et tu l'écrivais plutôt. Ouais. Non. On s'est parlé avec Étienne aussi. Et c'est ça. 10 livres en 2 semaines. Donc. Je pense que moi aussi, je vais me faire brocher l'estomac. Ça pourrait être une idée. Pas l'estomac, la bouche. Arrête donc, Nicolas, là. Non, mais ça pourrait être une idée, là. Écoute, il y en a qui se font vomir. Moi, je vais me faire brocher, c'est moins compliqué. C'est ça, il y en a qui s'enlèvent des membres aussi, comme on a appris plus tôt. Ben ouais, c'est ça. Hey, je suis content pour cette McFarlane, moi. Ah oui? Ben là, je veux dire, imaginez pas de Family Guy, c'est comme un pan de l'humour absurde américain qui tombe à ce moment-là sans Family Guy, donc ça aurait été triste. On a sûrement perdu bien bon monde là, dans cet attentat-là. Il y avait deux recruteurs à la Ligue nationale de hockey aussi qui sont décédés. Ah ouais? Les noms par cœur, je m'en souviens pas. Là, je crois qu'il y avait Ace Bailey ou quelque chose comme ça, mais je pense que c'était un recruteur des Kings de Los Angeles ou deux membres de l'organisation des Kings de Los Angeles. Là, par cœur, c'est un petit peu loin. Là, ça date de quelques années. Ouais. Mais qui étaient dans les avions et lors de ces malheureux événements. C'est triste. Donc, c'est ça. Pour ce soir aussi, peut-être regarder Félix Petit, qui a connu un fort match dimanche dernier. On va voir s'il peut continuer sur sa lancée. De son côté, Félix, on n'a pas connu un excellent début de saison, mais il a l'air d'être arrivé avec une attitude de « je m'en vais à la guerre » pour la deuxième moitié de saison, ce qui est de très bon augure pour les Pats. Mmh. Tu nous rappelles l'heure? C'est à 19h30 ce soir, c'est au Colisée de Trois-Rivières, au Bégas, et ça serait le fun d'avoir un peu d'étudiants, là, mettre un peu d'ambiance dans la place. Ouais, ben à force d'en parler, on va finir par en amener du monde là-bas, hein? Ouais, venez donc, à ce soir, boys. Ben oui, c'est sûr. Donc, merci beaucoup. Matt, qui est tellement pas un fan de sport. Ben oui, mais là, je leur souhaite quand même un très, très, très bon, set, là, avec un point de match d'excellence. On va finir par savoir, Matt. Ouais. Un jour, tu vas venir à une partie de sportive, sera peut-être de la pétanque, mais au moins, ça va déjà être ça. Mais l'année passée, en fait, on avait réuni Mathieu Plante, Nicolas Ducharme et moi-même dans le Colisée. Ouais. Quel trio. Ouais, mais Mathieu nous posait des questions comme c'est quoi qu'il faut faire comme sport, puis pourquoi ils ont des patins. Puis, c'est quoi ça? Là, c'est ça, des patins. Lui, il cherchait le ballon, il ne trouvait pas, non. Il ne comprenait pas. Donc, c'était difficile, perdu. Hein? Faut-tu t'expliquer à ces gens-là? Ben oui, plusieurs fois, parce que ça n'a pas resté, ça, du tout. Je m'en rappelle déjà plus, mais merci de ton aide quand même. Ben écoute, c'est un plaisir d'aider les plus démunis. On apprécie beaucoup ta présence et tes insultes, Nicolas Ducharme. Habituez-vous, je suis là pour les 4 prochains mois. Et ça va être beau. On te retrouve donc à l'Inconduite de partie, ton émission de sports. C'est les lundis et les vendredis, deux émissions différentes pour deux publics, de le même public finalement, mais différents. Deux émissions. On touche au même sujet, mais on touche plus large. Là. Je pense que c'est la bonne façon de le dire. Ben, je pense que c'est bon dans tous les domaines de toucher plus large, hein, Max. C'est le meilleur. Si tu veux le dire de même puis aller avec un gag facile, tu peux le faire. Ben, ça, moi, c'est mon domaine, mon créneau. Toi, c'est les sports, moi, c'est les jeux de mots poches. Oui, c'est les jeux de mots poches. Donc, non, c'est ça, mais les vendredis matin, là, on va jouer. On va pouvoir parler vendredi du début de saison de la secteur intérieur des Patriotes. On va s'entretenir avec l'entraîneur Pierre Grémont. Bon, ben, on t'écoute alors. Merveilleux. Merci, Nick. Bon? Merci, Nick. Bonne journée, monsieur. Bonne journée. Bye. Nicolas Ducharme de l'Inconduite de partie. On lui souhaite une bonne journée et un prompt. Simplement. Ça va, ben, c'est assez. C'est la fin de la première heure d'Assemblage requis. François-Olivier, on revient avec une deuxième heure tout à l'heure. Avec Maxime Lemieux-Laramé. Et puis, sa chronique qu'on télécharge quoi? Un gars qui touche large. 12 pouces, 5$. Pour l'instant, c'est l'info campus recette. The quiet kid has come to stay. What?

Pink, Haunted Graffiti. Bright, lit, blue skies. Est-ce qu'il prononçait comme fou dans la chanson? Je sais pas. Je crois Est-ce qu'il oui. prononce? Ouais, il prononce dans la chanson? Bon. Je sais pas, j'écoutais pas ta musique. Moi. Mais c'est ça, c'est issu de l'album Before Today, Avant Demain. Qui est sorti quoi? L'année passée? Non, ouais, l'année passée, en 2010, mais au mois de juin. T'es tellement 2010. Ouais, c'est pas assez. Bon, OK. Je vais aller travailler. Pour de vrai. Bon. Pour de vrai. Non, c'est mais pas du travail ici, tu botches, c'est ça que tu veux dire? Tu botches? Ouais, ouais. Pardon? Non, non, non. Tu tournes les coins. Ouais, ouais. J'étais prêt. Non, j'étais non, prêt. Non. C'est toi avec ton ordi là, qui est pas prêt. C'est pas mon ordi, c'est l'ordi de ses fous. Un. Et deuxièmement, c'est pas l'utilisateur, c'est la machine. Ah, je pensais que t'étais une machine. Ouais, ben bon. Je m'utilise. OK. À la semaine prochaine. Hey, merci, Max. Ouais. Merci. Et ça va être tous les mercredis à 8h dorénavant. Oui, oui, oui. Toi, tu veux essayer chaque jour de la semaine jusqu'à temps que tu vois lequel qui est le meilleur pour toi. Lequel qui n'a pas de chroniqueur. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est pour me rappeler tous les jours de la semaine. C'est ça. C'est pour ne pas créer d'habitude chez l'auditeur. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, salut. Mercredi. À la semaine prochaine. Salut. Bye, Maxime le Mularamé. Vous êtes toujours à Assemblage Rocky, c'est l'émission matinale en pièces détachées. Et puis, juste après la pause, on va parler de la maladie de Crohn, n'est-ce pas, François-Olivier? Oui, tout à fait, avec Jimmy qui vient nous parler, en fait, de son expérience. Et puis, là, on s'en va en publicité? C'est ça. Ouais. D'où le nom, d'où ce que j'ai dit après la pause. Ah, ouais. Là-dessus, je t'écoutais même pas. Ben, je vois ça. C'est fou dans vos oreilles. Assemblage Rocky est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de Banque Nationale. Vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées avec Info et Mathieu. C'est Assemblage Rocky jusqu'à 9h à C'est fou. Bon, toi, vous êtes toujours à Assemblage Rocky. Oui, c'est l'émission matinale en pièces détachées. Est-ce que je l'ai dit? Oui. Si je ne l'ai pas dit, c'est ça pareil. Tout à fait, Mathieu. Mathieu qui est très en forme ce matin. Non, ben c'est oui. Tous les matins, voyons. Tous les matins. 7h à 9h, lundi au jeudi, heure de l'Est avant avancée. Heure normale de l'Est. Normale avec ben, avancée. Je sais pas. J'ai changé les dates de tout ça, me mêle. C'est mêlant. C'est tellement épais, de toute façon, changer l'heure. Non? Eh, on n'a pas le contrôle là-dessus. Hein? C'est pas mon sujet du moment, par contre. Non, c'est ça, exactement. Non, on reçoit Jimmy. Bonjour, Jimmy. Salut. Ça va bien? Oui, vous autres. Oui, très bien, merci. Jimmy qui va nous parler de la maladie de Crohn. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton histoire, premièrement, en fait, là, juste pour... Écoute, j'ai commencé, je vis bien normal, mettons, jusqu'à 14 jusqu'à 15 ans, là, je commençais à tomber malade. OK. Puis c'est après à peu près un an à savoir ce que j'avais, dans le fond. OK. Tomber malade, on parle de quoi? On parle de je sais pas, j'imagine que c'était pas une grippe. Non, c'est t'arrêtes de manger, tu vomis tout le temps. Ah ouais, t'es sérieux? OK. Ouais. Comme une gastro? C'est ça, mon pire. C'est ça qu'ils pensaient au début j'avais, puis ils appelaient ça une gastrite, parce que c'était pire. Comme. OK. Puis ça finissait pas, là. C'est ça. Chaque continuait. Matin, je me levais, puis rien que sentir les toasts, je vomissais. Ah ouais? Ouais. C'est sévère. Et est-ce que d'autres choses que tu sentais qui te rendaient malade comme ça? Écoute, t'as plus de force anyway, t'es tout le temps fatigué, puis t'as la diarrhée, puis tout le kit. OK. Wow. Parce que c'est ça, en fait, là, j'imagine que tu mangeais plus. Là. C'est ça, je mangeais plus, je faisais juste boire, puis même à ça... De l'eau? Ça, ouais, moi c'est plus la liqueur, mais tu sais, okay. Je veux dire, tu manques de force, dans le fond, dans tes journées, puis tout. Okay. Là, combien de temps t'as attendu avant d'aller voir, d'aller consulter? Ben écoute, les premiers coups, on est allé à l'hôpital une couple de fois, puis ils disaient que c'était une gastrite. Puis là, après ça, mon docteur, il m'a dit que j'étais en dépression, puis il m'a envoyé voir un spécialiste en même temps, des intestins. Parce qu'il pensait que j'avais quelque chose. Puis là, ça a donné que quand je l'ai rencontré, là, passer des tests, puis tout le kit, jusqu'à temps que ça a pris à peu près un an avant qu'ils disent ce que j'avais. Ouais. Un an où là, t'as beaucoup de misère à manger, ouais, c'est pas ça. Beaucoup de force. J'imagine que l'école, écoute, répercussion. J'ai arrêté l'école quasiment un an de temps. T'as pas le choix, tu peux pas aller à l'école. Ça, j'imagine que une grave, ben, c'est une conséquence là, par la bande. Ben, c'est sûr. Tu sais, je veux dire... tes amis vont à l'école. C'est pas pareil. Ça change gros ton train de vie pis tout. Là. OK, merveilleux. Et puis après ça, c'est ça. En fait, ils t'ont diagnostiqué la maladie de Crohn. Ouais. Et puis, à partir de là, c'est quoi? J'imagine qu'il y a des traitements qui s'en suivent. Ben, au début, c'est ça. Ils vont te prescrire, c'était avec des pilules pis tout le kit. Mettons, des immunosuppresseurs, quelque chose comme ça. C'est ça. Puis une batterie de pilules qui vont faire avec de la cortisone aussi. OK. Là, ça donc c'est fort, là. Ouais, c'est ça. Parce que là, moi, mettons, je pesais 215 livres à 15 ans. OK. Puis j'étais tombé à 135 à peu près. OK. Tabarouette. Fait que, tu sais, pour t'en donner du jus un peu. Puis c'est ça. Au début, c'est les pilules. Puis après ça, jusqu'à temps que ça. Comme moi, là, à un moment donné, ça marchait plus, les pilules. Fait que là, je suis ton corps s'habitue trop à ça, c'est ça? Ben. J'ai réussi à passer un an sans en prendre de médicaments, puis ça allait super bien. Okay. Puis là, j'ai refait une rechute. Puis là, je suis rendu que les médicaments fonctionnent plus. Fait que là, moi, je me pique à cette heure. OK. Ouais. Tu te piques, en fait, tu t'injectes directement... Je me pique dans les cuisses ou sur le ventre aux 2 semaines. OK, aux 2 semaines? Aux 2 semaines, ouais. OK, donc c'est ça. C'est pas des pilules, en fait, là, que... C'est ça, parce que ça marchait plus. OK. Ouais. OK. Parfait. Et puis, à partir de là, bon, écoute, les pilules ne marchaient plus. Mais là, est-ce que c'est quoi? Est-ce que ça t'occasionne des douleurs? Est-ce qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu manges? C'est quoi, là, mettons, présentement, la maladie de Crohn pour toi? Ben présentement, je te dirais que ça va super bien depuis que j'ai commencé mon nouveau médicament qui s'appelle Humira depuis le mois de mars. Ça, c'est ce que tu te piques? C'est ça. OK. Mais juste avant ça, j'étais retombé en rechute. Puis c'est sûr que, tu sais, faut que tu fasses attention à ce que tu manges. Parce que, mettons, la pizza ou des affaires de même, ça va te donner mal au ventre. Surtout ce qui est gros ou épicé, l'estomac. J'ai fait des ulcères aussi. Okay. Fait que c'est sûr que faut que tu regardes ce que tu manges. Les fibres, mettons que ça te fait aller aux toilettes pas mal. OK. OK. Mais donc, c'est ça. Sinon, ça te cause des malaises gastriques, hein, j'imagine? Des douleurs au ventre. Okay. Souvent, tu vas avoir de la misère avec ton estomac aussi. OK. Quand t'as mal au ventre comme ça, est-ce qu'il faut que tu prennes des médicaments aussi? Ou... Ben habituellement, comme je te dis, quand t'as les pilules, c'est t'en as le matin puis avant de te coucher. OK. Puis tu serais censé aller bien avec ça. OK. Même avec les pilules, faut que tu fasses attention à ce que tu... Ouais. Okay. Ça, oui. Ça, c'est sûr. OK. Merveilleux. Et puis, sinon, là, en fait, tu dis que ça va bien. Donc, tu fais un peu attention et puis... Tu sais quoi, t'es capable de fonctionner normalement? Oui, depuis le mois de mars, là, je suis retombé top shape, je peux travailler puis tout, parce que, mettons, l'année passée, ben, quand j'étais tombé en rechute, je filais pas pour travailler, mais j'étais pas apte au travail, mettons. T'étais pas classé comme invalide? C'est ça. OK. Mais tu pouvais pas... comme, mettons, ma dernière rechute, j'ai faite au mois de décembre, à peu près, c'est ça. Bon, ben, j'étais rendu que je mangeais même plus. Puis je faisais juste prendre des boosts puis de lanceurs. Lanceurs? C'est ça. OK. OK. C'est juste ça que je prenais. Pour te nourrir, ouais. Cette truc-là. Jusqu'à temps que j'ai revoyé mon docteur. OK. Tabarouette, hein? Mm. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? En fait, c'est ça. Ils t'ont traité. Là, ça va bien. Puis là, en fait, est-ce qu'avec la nouvelle piqûre, on peut parler d'une rechute éventuelle? Est-ce que ça se peut ou... On va voir en temps et lieu. Écoute, je te souhaite pas, mais... Ils disent que c'est le dernier traitement qu'il y a à faire avant. OK. Avant parce que sinon, t'enlèves les intestins. Là. Sinon, ils t'enlèvent complètement. C'est ça. OK. C'est comme le dernier traitement avec les chances qu'ils parlaient d'un cancer des ganglions, les effets secondaires qu'ils pourraient avoir. Les effets secondaires? Du médicament que je prends, ça serait le cancer des ganglions ou du psoriasis. Psoriasis, ça, c'est le pied d'athlète. Ça? Non, ça, c'est des plaques un peu comme l'eczéma. OK. Tu peux en faire dans la tête, partout, ses mains. OK, ça pique. Puis c'est Oui, c'est ça. Puis c'est la même affaire qu'ils prennent pour le donner pour le psoriasis, pour l'enlever, dans le fond. OK. C'est ça qui est spécial. OK. Puis cancer des ganglions, est-ce qu'ils peuvent t'enlever les ganglions avant que ça... Ben, je pense que c'est le plus facile cancer à guérir, j'ai entendu. Ah, OK, OK. OK. Fait que... On souhaite pas de se rendre jusqu'à là. Non, non, mais non, je penserais pas. Mais comme il dit, c'est vraiment un pourcentage minime du monde qui peuvent avoir ça. Tout a des effets secondaires. De toute façon, tu fais juste écouter une publicité pour un médicament quelconque, puis il en liste une douzaine. Ah, ouais, ça, c'est sûr. Il y en a des pires que d'autres, comme ça. Ouais. Est-ce que tu sais s'il y a des associations pour la maladie de Crohn? Moi, je fais partie de... C'est Progrès que ça s'appelle, okay. Justement, avec le médicament que je prends. Les autres, ils ont comme un gros groupe que je peux appeler n'importe quand, 24 heures sur 24, si je veux parler à une infirmière ou quelque chose comme ça. Puis ils vont me parler, ils vont m'aider dans les questions que je vais leur poser. C'était pas certain de pouvoir... Parce que, mettons, je me pique, puis je me manque, ou parce que là, eux autres, ils peuvent pas dire combien qu'il y en a pas, combien de liquide qui est pas rentré ou pas, des choses comme ça. Fait qu'ils vont dire, mettons... Repique-toi, mettons, jeudi prochain, ou des choses comme ça. OK. Ouais. OK. Ça, c'est 24 heures, j'imagine? Ouais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. OK. Puis, en fait, la maladie de Crohn, écoute, c'est sûr que c'est comme médicamenté, c'est contrôlé, ces trucs-là. Est-ce que maintenant, on va pouvoir guérir ça? Est-ce que ça se guérit? Ils ont jamais parlé de guérison dans ça. Puis, ils savent même pas de comment que ça arrive, ça. C'est ça, ils savent pas de où ça vient. Et puis, est-ce que ça arrive des fois que ça vient et ça repart? Ben, comme je te dis, mettons, moi, quand j'ai commencé à être malade, j'ai commencé mes médicaments, puis ça a été super bien pendant deux, trois ans. Puis après ça, j'ai été un an sans prendre de médicaments, puis là, j'ai fait une rechute. Fait que, tu sais, c'est des périodes que ça va super bien, après ça, tu fais une rechute, tu reviens, puis... Mais ça dure tout le long de ta vie, en fait. T'es obligé de prendre des médicaments, il y a pas, en fait, une fois où ça peut vraiment disparaître et plus... Ben, comme je t'ai dit, il y a un an de temps que je n'avais pas de besoin, tout allait super bien, puis après ça... Pendant un an de temps, tu prenais pas de médicaments? Pendant tout. Ah, OK, tout allait super bien. OK, puis tu mangeais, puis tu faisais des activités. En puis... pleine forme. Ah, ouais. Tabarouette. Puis y a-tu des activités, en fait, que tu peux pas faire? Non, OK. Non. Merveilleux. Ça, au moins, ça de bon. Hein? Si les gens ont des symptômes à la maison, maintenant, ils savent que ça existe. Donc, si le docteur leur dit que c'est une gastrite ou quelque chose du genre, ça pourrait potentiellement être la maladie de Crohn. Ben, tu sais, ça dépend juste aussi le nombre de temps. Comme moi, je t'ai dit, ça a duré un an de temps. Ouais. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que c'est pas juste ça. Là. C'est ça. Donc. Oui, vas-y. Ça, est-ce que ça peut être héréditaire? Est-ce que c'est une chose qui... Oui, ça peut être héréditaire. J'en ai une ou deux, quand même, dans la famille. On a une ou deux, je pense, qui l'a, ça aussi. OK. Mais ça doit pas avoir le même pourcentage de chance. OK. OK, merveilleux. Et puis, en fait, c'est ça pour les gens. Est-ce qu'il y a une fondation? Est-ce qu'on peut te donner pour la recherche? Ça, j'ai aucune idée pour ça. OK. Contacter peut-être Progrès, je pense que c'est pas mal plus pour ceux qui ont la... C'est ceux qui sont déjà, qui ont la maladie puis qui utilisent Humira, mettons, le même médicament que je prends. Comme là, ils viennent en aide à eux autres. Comme. OK. J'ai vu qu'il y avait CrohnsCanada.org aussi, d'autres informations. Donc, peut-être que les gens peuvent passer par Internet, c'est facile de trouver une association, puis après ça, donner si c'est la chose que vous voulez faire. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, merci beaucoup, Jimmy. Oui, merci. Merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. C'est intéressant et c'est quelque chose. C'est important à savoir aussi que ça existe des fois. La maladie de Crohn, on en entend parler, on sait pas vraiment c'est quoi. Hein, On pense des affaires, puis c'est d'autres affaires. Exact. Merci, encore une fois. Salut. Vous êtes à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. On écoute du Vanesse Pariétaire. Voici Archipel. Oh, Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Thank you. Demain à l'émission, on retrouve Simon Fesbé, sa chronique historique rock phénomène. On a aussi François Landry et Logocratie 101. Soyez-y demain matin à 7h. À CFOU. And spitfire. I saw you walking back and forth about another boy, thinking that you may wanna leave. So give me the fevers that just won't quit, and give me the children you wanna raise, and tell me about the cool he sings you in your songs. Take it back out to the streets where you know you used to be, for the Romeos of town. If I bring you down and you're tired of those vows, and you're really walking out, then give me the fevers that just won't break, and give me the children you wanna raise, and tell me back in your songs, if it's better than my love. Baby, bring it on. Oh, bring it on. Stop clicking your red heels and wishing for home. I'm hearing that it tells you it can read your bones. Is it better than my love? Is it better than things you've been feeling that he says they'll never know, and you say the night just got too cold. Well, everybody's cold. Who's gonna keep my baby warm? Who's gonna keep my baby warm when everybody goes? So give me the fevers that just won't break, and give me the children you wanna raise, and tell me about the cool he sings you in your songs. If it's better than my love, well then wait a minute, wait a minute. De Gaslight Anthem. C'est sur, ça se retrouve sur le palmarès, d'ailleurs. Le palmarès qu'on peut visiter au www.cfou.ca. Ben pourquoi pas, www.fao.ca. Tu sais, des fois, on se demande hein, quoi, ah, qu'est-ce que je pourrais écouter. Ben, crème, allez visiter le site de C'est Fou. Allez voir les palmarès, ça va vous donner des idées et des très bonnes idées. Ah, que c'est bien dit, mon François-Olivier Marchand. C'est beau, merci, c'est beau. Merci, Mathieu! C'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin à 7h. Déjà! Oui, ça passe vite quand t'as beaucoup d'invités comme ça. C'est bien. Ah, ça passe vite à matin pour vrai, hein, sincèrement. Demain, dernière émission de la semaine, on a Simon Fitzbé avec sa chronique phénomène sur l'histoire du rock. Ici à 8h. Ici à 8h. Ici à 8h. Ici à 8h. On a aussi François Landry demain. Avec là, tu pointes. Là-bas, là, ici, à 8h. Ah oui, juste là, l'autre chaise à côté. Exact. Ils vont pouvoir discuter ensemble. Wow. On va tous parler ensemble. Donc, François Landry, c'est de la politique. Pour l'instant, les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent et on se retrouve donc demain matin à 7h. Soyez-y, manquez pas ça, parce que si vous manquez ça, on va venir vous chauffer. Dans votre lit. Puis, soyez à l'écoute dans votre lit. Soyez là pour le dîner de con à 11h tantôt. Bye. Au plaisir. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.